Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les animaux machines, moteurs de l'industrialisation. Quand il est question d'industrialisation, sont les machines et les usines qui nous viennent à l'esprit avec la puissance de la vapeur. Mais que des animaux accompagnent les hommes dans leur labeur n'est pas une nouveauté. Dans les champs, à l'atelier, que deviennent ces animaux ? Bœufs, chiens, chevaux, face à l'industrialisation. Tiens, un cheval. Eh bien, nous voudrions que vous ne soyez plus si surpris, car il y a encore pas mal de chevaux de trait en France, et surtout, il pourrait y en avoir beaucoup plus, malgré les machines les plus perfectionnées. Et vous savez qu'ici même, à Paris, nous avons de quoi également parler cheval, et pour cause, puisque nous avons près de nous un grand spécialiste du cheval de trait, Monsieur Delorant, qui est contrôleur général d'EARA. Monsieur Delorant, il y a combien de chevaux de trait actuellement en France ? Je crois qu'on peut admettre qu'il reste en France environ 1 200 000 chevaux de trait. Ah, tout de même. Ce nombre est d'ailleurs très nettement insuffisant. 1 200 000 chevaux de trait en 1967, est-ce qu'il n'était pas suffisant ? Bonjour François Jarige. Bonjour. Ce qui va nous intéresser aussi aujourd'hui, ce n'est pas simplement ces chevaux de trait, ceux qui se trouvent dans les champs, ce sont ces animaux face à l'industrialisation. On peut rappeler quand même en quelques mots que, j'ai envie de dire, cette intimité entre l'animal et l'humain, ça c'est quelque chose qui, au 19e siècle, quand l'industrialisation s'impose, est une évidence. Oui, tout à fait. Mais comme vous l'avez dit au début, le 19e siècle est souvent considéré comme le siècle du charbon. Et en réalité, on peut considérer que c'est très largement aussi le siècle des animaux. Pas seul dans l'espace public, dans les espaces de travail, dans les champs. Le nombre d'animaux n'a jamais été aussi important qu'à cette époque-là. Et ils ont été mis au travail dans toute une série de situations. Oui, parce que ces situations-là, c'est cette omniprésence animale. Quand vous dites dans toutes les situations, on pourrait les développer, le transport ? Alors évidemment, ce qui est le plus visible, parce que c'est dans l'espace public, c'est le transport. Il faut bien voir que l'accroissement des mobilités au 19e siècle s'est fait avec le train. Le 19e siècle, c'est le moment où s'installent les systèmes ferroviaires, mais le développement du train a entraîné une augmentation du transport hippomobile, parce que le train permettait de relier des grands axes, de relier les ports aux capitales, mais tous les transports intermédiaires étaient faits par des animaux. Donc en fait, l'arrivée du train n'a pas remplacé les animaux, mais a intensifié le transport grâce aux animaux. Et y compris les chiens, les attelages de chiens par exemple, le transport avec les petites charrettes à chiens, se développe beaucoup dans la deuxième moitié du 19e siècle et atteint son apogée à la veille de la Première Guerre mondiale. Vous aviez des charrettes à chiens, et même Peugeot fabriquait des charrettes à chiens avant de se lancer dans la construction automobile. Donc il y a vraiment une mise au travail, l'intensification des mobilité est largement passée par le transport hippomobile, le transport grâce à des bœufs dans les campagnes, à toute une série de toute une série de manières. Et d'ailleurs, ces animaux qui nous intéressent sont de plusieurs types. Et c'est ça qui est vraiment pertinent dans cette analyse, François Jarige. C'est de voir qu'il y a des chevaux pour le transport, mais ça, on le connaît, j'ai envie de dire. C'est presque notre image mentale. Mais il faut développer ça, aller jusqu'au chien. Et ça, c'est un étonnement, bien souvent. L'usage de chiens pour le transport, ça existait précédemment ou c'est vraiment quelque chose qui est mis en place au moment de l'industrialisation ? Il y a vraiment quasiment pas de travaux. Il y a vraiment quasiment pas de travaux là-dessus et on sait en fait que ça existait très peu au XVIIIe siècle. Ça se développe vraiment au XIXe parce que faut bien voir que jusqu'au XIXe siècle, une grande partie du transport se faisait par le portage humain. Les animaux vont permettre d'alléger un certain nombre de tâches pour les humains. Mais quand on parle du travail des animaux, je crois qu'il faut distinguer trois types de tâches. Il y a le transport, qui est le plus visible, le plus massif, celui sur lequel les historiens ont le plus travaillé. Il y a deuxièmement le fait que les animaux deviennent, et ça faut pas l'oublier, hein, les animaux travaillent, mais les animaux sont aussi travaillés. Ils deviennent un ensemble de ressources pour la laine, les os, le cuir. C'est-à-dire tout est transformé et utilisé dans les cycles de production. Donc ça, c'est très fondamental. Et puis troisièmement, ce qui est sans doute le moins connu ou qui a été le moins étudié, c'est la force motrice animale. C'est-à-dire le moteur animal mis au travail pour faire fonctionner toute une série de machines. Donc là, il y a ces trois dimensions qui font que l'animal devient tout à fait central et n'est pas remplacé par la modernité industrielle, mais c'est au contraire la mise au travail des animaux qui permet l'essor du capitalisme et d'une forme de modernité industrielle. Parce que cette industrialisation met en place de nouvelles manières de produire et c'est là où les animaux s'inscrivent dans quelque chose qui est nouveau. Donc on va inventer des usages pour ces animaux. C'est-à-dire qu'auparavant, j'imagine que, bien sûr, on savait et on connaissait, on utilisait la force d'un cheval ou d'un bœuf, mais là, c'est l'adapter à de nouveaux besoins. Oui, moi je pense que c'est ça qui est fondamental. Une des raisons pour laquelle c'est un peu invisible, c'est que cette mise au travail des animaux apparaissait comme très ancienne, une pratique antique en quelque sorte. On sait que dans l'Antiquité, il y avait des moulins à chevaux. À Pompéi, sur le site de Pompéi, a été retrouvée toute une série de meules qui étaient tournées par des et les boulangeries de Pompéi fonctionnaient grâce à la force animale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au 19e, on va parler de moulin pompéien pour désigner ce type de moulin qui ne fonctionne pas grâce à l'hydraulique ou grâce au charbon, mais grâce à la force animale. Donc c'est une pratique très ancienne. Le fait d'utiliser les animaux pour porter, pour écraser, pour tirer, date de la domestication. 3-4 000 ans avant Jésus-Christ, ça se développe. Mais disons, jusqu'au 18e, ça reste assez limité, parce que les animaux, notamment les grands animaux de travail, sont très coûteux, sont réservés à une élite, chez les paysans, même au Moyen-Âge. On utilise assez peu les animaux, seuls les plus gros paysans, seuls les monastères peuvent utiliser des animaux de travail. La force humaine domine très largement. Et donc au 19e, cette tradition, cette ancienneté du travail animal va être adaptée à toute une série de tâches nouvelles. On pourrait prendre plein d'exemples. Alors, l'un des plus spectaculaires, à mon avis, c'est l'industrialisation du textile. C'est-à-dire que l'effilature qui incarne la modernité technique, la modernité industrielle, la première adoption de la machine à vapeur pour faire fonctionner et concentrer les travailleurs dans des usines, il y a beaucoup d'endroits où, en fait, le moteur, c'est un animal, y compris à Roubaix, Tourcoing, je ne sais pas si on en reparlera, en 1830, la plupart des filatures, en fait, avaient une machine pour faire fonctionner notamment les cardeuses, les machines utilisées pour la filature. C'était des animaux qui tournaient en rond et qui faisaient fonctionner toute une série de machines. Et ça, c'est mis au point à la fin du XVIIIe siècle. Auparavant, le travail était manuel. C'était les paysans qui filaient à domicile dans les campagnes, ou c'était des enfants, on appelait ça les tourneurs de manivelles autour de 1800, qui faisaient fonctionner des manivelles. Avec l'accroissement de la production, cette force humaine ne suffit plus, et en même temps, dans beaucoup de régions, il n'y a pas de moulins hydrauliques qui peuvent être utilisés. Le charbon, il faut imaginer qu'il coûte extrêmement cher. En France, on n'en a pas assez. Donc on va essayer de développer d'autres sources d'énergie pour ne pas justement utiliser le charbon, qui est coûteux, complexe, dangereux, qui rend dépendant de compétences extérieures. Et donc on va faire quoi? On va mobiliser les animaux qui sont présents, avec lesquels les travailleurs sont eux-mêmes familiers, à une époque où par ailleurs la séparation entre ville et campagne, industrie et agriculture n'existe pas encore complètement. D'ailleurs, des filatures avaient aussi des domaines agricoles pour nourrir leurs animaux de travail. Donc c'est intéressant de partir de l'animal, ça permet aussi de repenser certains schémas habituels de l'industrialisation et du fonctionnement des sociétés de cette époque-là. Quand vous étudiez, François Jarige, l'utilisation des animaux dans la production industrielle, on sent qu'il y a beaucoup d'idées à remettre en place. La première, avant tout, c'est de ne pas résumer l'industrialisation à la machine et notamment à la machine à vapeur. Pourquoi d'ailleurs ? C'est une construction intellectuelle au sens où l'utilisation d'animaux, ça paraît archaïque quand même. Autant résumer l'industrialisation à ce qu'il y a de plus puissant. Oui, sans doute, mais c'est bien sûr. Alors, au 19e siècle, il y a plein de raisons. L'industrialisation a été identifiée à une invention de rupture, la machine à vapeur, qui a frappé les observateurs, qui a fasciné les ingénieurs. Et ces ingénieurs et ces observateurs ont eu tendance, évidemment, à survaloriser le rôle de cette machine à vapeur. Donc, c'est indéniable que la machine à vapeur s'étend au 19e, qu'elle est un des éléments fondamentaux de ce qu'on appelle l'industrialisation. Mais il faut pas oublier non plus que c'est extrêmement variable dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y a Manchester, il y a quelques grandes régions industrielles où il y avait plein de charbon, etc. Mais dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de machine à vapeur, et les fabricants font tout pour ne pas avoir utilisé ce type de trajectoire. Donc en fait, il faut penser l'industrialisation et l'histoire énergétique de l'industrialisation, non pas selon le récit d'une transition de la force humaine et animale vers la force des énergies fossiles, mais comme un système d'addition. C'est-à-dire que le 19e siècle, c'est l'intensification de l'énergie hydraulique, l'intensification de l'énergie des bêtes, l'intensification de l'énergie du charbon. Et ça, Ça va ensemble. C'est-à-dire que les plus gros, ceux qui ont les capitaux les plus importants, vont installer une machine à vapeur. Ceux qui sont à côté d'un cours d'eau facilement utilisable vont installer une roue hydraulique. Et ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre vont utiliser et optimiser l'utilisation de l'énergie animale. Et il y a des centaines de brevets qui sont pris au 19e siècle pour améliorer les convertisseurs à force animale. C'est-à-dire les machines, parce que c'est ça l'ambiguïté. L'animal est à la fois pensé comme une machine par les ingénieurs et les zootechniciens. Et en même temps, l'animal est ce qui permet de faire fonctionner les machines dans plein de secteurs d'activité, et notamment dans tout le petit artisanat rural, mais on pourrait parler des mines, on pourrait parler des brasseries, des sucreries, des plantations sucrières des Antilles. En fait, les exemples sont assez innombrables, sans même parler de l'agriculture, puisqu'en fait, une fois que les usages industriels et artisanaux de l'animal tendent à décliner à partir du milieu du 19e siècle, c'est là que les usages agricoles vont s'intensifier considérablement. Et dans la deuxième moitié du 19e siècle, le travail des animaux devient vraiment, en Europe, est liée étroitement à l'agriculture. Et la première mécanisation de l'agriculture, en fait, passe par la mobilisation des animaux. Parce que c'est, pour en parler longuement, les animaux ont plein d'avantages. C'est flexible, polyvalent, la question de l'intelligence des bêtes. C'est-à-dire que les animaux sont à la fois des êtres vivants, ce qui pose toute une série de problèmes pour la production, parce qu'ils sont difficilement contrôlables, mais en même temps, c'est des êtres sensibles et intelligents, qui donc, dont la mise au travail présente un certain nombre d'avantages. Donc ça, c'est un vaste débat, hein, entre le cheval mort et le cheval vivant, en quelque sorte, au cours du 19e siècle. Le cheval mort étant une machine à vapeur. Voilà, le cheval vapeur. Ouais, et si on appelle ça le cheval vapeur à partir du début du 19e siècle, c'est-à-dire l'unité de mesure pour la puissance des machines à vapeur, le cheval vapeur a été élaboré sur la base de l'énergie du cheval. Puisqu'en fait, on sait que James Watt, dans les années 1780, pour prouver l'utilité de sa machine à vapeur, a lancé toute une série de défis à des fabricants, notamment dans des grandes brasseries à Londres. En 1784, James Watt a lancé un défi à un grand brasseur, au plus grand brasseur londonien, pour montrer, dans une sorte d'opération publicitaire, pour montrer que sa machine était plus rentable et plus avantageuse que les bœufs qui tournaient les moulins de la brasserie. Et donc pendant plusieurs jours, les deux ont fonctionné en même temps, et à la fin on a calculé la puissance et le coût des deux, et James Watt a utilisé ça pour montrer que le cheval mort devait s'imposer sur le cheval vivant. Il y a toute une argumentation, une justification aussi, hein, parce que le charbon va être présenté aussi comme un bienfait écologique, parce qu'on va accuser les animaux de travail de coûter trop cher, et notamment d'impliquer... Il y a une compétition entre la nourriture des animaux et la nourriture des humains dans un contexte de tension frumentaire et de crise frumentaire. Or, les animaux, pour être alimentés, nécessitent des surfaces agricoles assez importantes. Donc, les ingénieurs et les économistes qui justifient le charbon expliquent que le charbon va permettre d'économiser la nature en réservant notamment l'agriculture et les ressources agricoles à la nourriture des humains et en réservant les animaux, en fait, aux usages les plus essentiels, notamment l'armée, le transport, le commerce. C'est pour ça que c'est sans doute dans les mondes du travail que les animaux vont être le plus précocement évacué. C'est intéressant toujours ce regard de l'historienne de voir comment le contexte permet d'être étonné sur des arguments, le charbon qui va sauver l'environnement. Mais ça c'est un point fondamental qu'il faut jamais perdre de vue. Hein. Le charbon et la société fossile, le capitalisme fossile s'est installé au nom d'arguments environnementaux. Il s'agissait d'économiser les forêts dans un contexte de déforestation massive et d'économiser la biomasse pour qui était utilisé en quantité importante pour nourrir les animaux. Donc il y a Andrew Your qui écrit l'un des premiers grands textes qui va justifier l'industrialisation autour de 1830 qui s'appelle La philosophie des manufactures. Andrew Your explique que le charbon est une ressource qui permet d'économiser la nature. Donc effectivement, et ça c'est important de se rappeler que les sociétés fossiles se sont installées à partir de discours environnementaux et d'arguments sur la question de la nature, des ressources naturelles, de leur économie. Alors, évidemment, on n'anticipa pas complètement en 1830, même si certains le disaient déjà, que le charbon allait créer toute une série d'autres problèmes environnementaux et écologiques. Certains le disaient déjà, avec parmi les idées qu'il faut analyser, peut-être déconstruire, c'est cette rupture dans l'industrialisation entre l'espace de l'industrie, la ville, et puis l'usine, et l'espace beaucoup plus rural, parce qu'en fait, tout est intimement lié et les animaux sont complètement au cœur de cette relation-là. Bah, les animaux ne vivent pas que dans l'usine, ils vont parfois dans les champs. Donc tout ça est lié, puis il faut aller voir le paysan, lui acheter les animaux. Oui, tout à fait. C'est l'un des autres intérêts de ce travail sur les animaux industriels ou les animaux prolétaires, on pourrait les appeler de plusieurs manières et discuter ces appellations, c'est qu'effectivement, ça fait le lien entre la ville et la campagne, entre des activités considérées comme agricoles et d'autres considérées comme industrielles, et ça permet de dépasser en fait ces catégories qui sont pour la plupart en fait héritées de périodes assez récentes. C'est-à-dire que c'est surtout au XXe siècle que s'est installée l'idée que la société est organisée sur une base dualiste entre l'agriculture et l'industrie, la ville et la campagne. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'était beaucoup plus incertain. Les villes du XIXe siècle sont traversées de nature, de plein de manières. Les animaux viennent de la campagne environnante, les paysans fournissent l'alimentation, et en même temps, les animaux qui vivent en ville, lors d'éjection, sont utilisés pour amender les terres agricoles. Donc là, il y a des cycles de matière, il y a des fermetures de cycles de matière qui font que c'est des organismes qui fonctionnent en interaction et en symbiose, en quelque sorte. Et c'est seulement à la fin du 19e siècle, par exemple, avec l'apparition du tout à l'égout, que les éjections animales qui étaient utilisées pour amender les terres périphériques va disparaître. Et donc, jusque-là, l'animal aussi perd de son intérêt comme source d'engrais pour l'agriculture périurbaine. Et on va se mettre à tout évacuer, et donc ce qui était auparavant une richesse devient des déchets dont on ne sait plus quoi faire. Alors qu'on les adore, ces animaux. Quelques bovins dans le cours de l'histoire, François Jarige. Aujourd'hui, l'animal bovin se réduit à la production de viande ou de lait, bien souvent, et on ne va pas plus loin. Au 19e siècle, quel est l'usage fait de ces animaux, des bovins, des bœufs, etc.? Alors évidemment, dès le 19e siècle, l'élevage connaît une forte croissance. On a un début de spécialisation régionale avec l'apparition de grandes régions d'élevage. La grande rupture, ça va être la fin du 19e siècle avec l'invention des transports frigorifiques, hein, qui vont permettre de spécialiser certaines régions pour la production, dans la production de lait, fabrication de beurre. Bon, donc on va assister à une explosion de l'élevage indéniablement au 19e siècle. Mais bon, comme on le dit depuis le début, à côté de cet élevage, et en fait, le travail des animaux aujourd'hui se réduit à cette question de l'élevage. L'industrialisation de l'élevage, c'est quelque chose d'assez récent. Les grands élevages concentrationnaires, si on veut les appeler comme ça, ou industriels de poules, hein, c'est aux États-Unis dans les années 30. En France, le modèle breton qui défraie la chronique aujourd'hui, avec la grande enquête du Monde qui vient d'être publiée sur le modèle agro-industriel breton, c'est les années 60. Pour l'essentiel, où apparaissent ces grands élevages de porcs en Bretagne. Donc au 19e siècle, c'est infiniment plus diversifié. Vous avez des moulins à chevaux qui sont utilisés un peu partout pour broyer des matières. Par exemple, les premières industries chimiques, les premiers ateliers chimiques qui voient le jour à partir de la fin du 18e siècle, qui ont besoin de petits moulins urbains pour broyer toute une série de matières, pour broyer la céruse, pour broyer le noir animal. Enfin, il y a plein de matières qui sont utilisées. Et ces petits moulins, souvent, c'est des animaux. Parce qu'on n'a pas besoin d'une énergie continue, on n'a pas besoin de moteurs coûteux, on a besoin de moteurs qui fonctionnent quelques heures dans la journée. Et donc, en fait, les animaux vont être utilisés au fur et à mesure de la journée, soit pour transporter les matières premières, soit pour faire fonctionner tel moulin ou bien telle pompe dans l'atelier pour monter l'eau, remplir des réservoirs. Mais il y a la même chose avec, par exemple, les maraîchers. Les grands utilisateurs de chevaux, d'animaux au XIXe siècle, c'est les maraîchers. Jusqu'au XVIIIe siècle, notamment pour l'arrosage. Alors pour le transport et pour l'arrosage. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'arrosage se faisait avec des seaux tirés à bras. C'était d'ailleurs une tâche extrêmement lourde, extrêmement complexe, qui nécessitait de la main d'œuvre. Souvent, dans la famille du maraîcher, c'était les enfants qui étaient chargés des corvées d'eau. Et à partir du début du XIXe siècle, on va mettre en place de plus en plus des systèmes de réservoirs avec l'arrosage à la lance. C'est-à-dire que les maraîchers remplissent des réservoirs d'eau et ensuite peuvent arroser automatiquement via un système de lance. Et ça apparaît dans la première moitié du XIXe siècle. Or, pour remplir les réservoirs, on utilise des chevaux, c'est-à-dire qu'ils tournent quelques heures par jour autour d'un puits pour faire fonctionner un système de pompe, et ils remplissent les réservoirs. Et le cheval, donc, il tourne deux heures dans la journée pour remplir les réservoirs, et le reste du temps, il sert pour emmener les légumes à la halle, ou pour ramener du fumier dans les champs. Donc évidemment, les maraîchers ne vont pas installer une machine à vapeur qui ne serait trop coûteuse, pas du tout adaptée à leurs besoins. Ce qu'il faut voir, c'est que la mise au travail des animaux est adaptée aux besoin des acteurs les plus modestes, des producteurs les plus modestes au cours du 19e siècle. Et donc voilà, et ça on le trouve dans toute une série de secteurs. On pourrait évoquer les sucreries de betteraves, par exemple, qui apparaissent sous l'Empire napoléonien. Et pour râper les betteraves dans les sucreries, on va mettre au travail les bœufs. En plus, l'avantage des bœufs, c'est qu'ils se nourrissent de façon, on va choisir des bœufs plutôt que des vaches, plutôt que des chevaux, parce que les bœufs permettent de se nourrir grâce aux résidus de la production de betteraves. Donc, contrairement aux chevaux, il faut faire venir des grains, de l'avoine, ça coûte assez cher. Et donc, la mise au travail des bœufs pour accompagner l'industrialisation du sucre et la mise au point de cette nouvelle branche d'activité qui est le sucre de betterave, par exemple, fait qu'entre 1800 et 1850-60, la plupart des sucreries dans le nord de la France, en Picardie, mais aussi dans plein d'autres régions, en fait, utilisent des bœufs qui fonctionnent dans les ateliers pour broyer, râper la betterave, qui est l'étape la plus importante, celle qui nécessite une source d'énergie non humaine assez importante. Et on va mettre les bœufs, et ça coûte moins cher, parce que vous n'avez pas à faire venir du charbon hein, pour faire fonctionner la machine. Vous utilisez le résidu de la production. Donc on pourrait dire que c'est des systèmes de production assez vertueux. Aujourd'hui, on dirait que c'est des formes d'économie circulaire. Simplement, économie circulaire, et puis dans la notion de manège, effectivement, le circulaire est là bien présent. François Jarige, dans cette industrialisation, on sent bien hein, qu'il y a la machine, notamment celle qui va servir à râper les betteraves, par exemple. Et puis, à côté, il y a alors l'autre machine, celle qui produit la puissance. Ça peut être la machine à vapeur, dans certains cas, mais c'est bien souvent l'animal. C'est-à-dire que l'animal est-il considéré comme une machine en tant que telle qui peut produire de la force ? Oui. Alors, évidemment, c'est la question majeure. Quand vous avez évoqué le mot manège, peut-être qu'il faut en dire un petit mot. Parce que le manège, c'était le mot qu'on utilisait au 19e siècle pour désigner les moteurs à force animale. Donc, le manège, au sens actuel, c'est une distraction pour les enfants. Vous avez des chevaux de bois qui tournent en rond. En fait, ce sens apparaît à la fin du 19e siècle, lorsque les fêtes foraines se développent. Et lorsque, justement, le manège mécanique, le moteur à force animale tend à disparaître, on va appeler manège ces distractions infantiles qui ressemblent, hein, c'est des animaux, mais désormais des animaux en bois, qui tournent autour d'un axe pour les distractions des enfants. D'ailleurs, lorsque les manèges apparaissent sur les fêtes foraines, souvent c'est des manèges de chevaux qui font fonctionner le manège enfantin. C'est-à-dire que vous avez un animal qui tourne pour donner le mouvement au cheval de bois. J'ai toute une série d'exemples comme ça dans les années 80-90. Puis il faudra attendre l'électrification de l'entre-deux-guerres pour que l'électricité arrive dans les fêtes foraines, quoi. Donc voilà, donc évidemment la figure de l'animal machine, c'est fondamental hein. On peut renvoyer tout de suite à Descartes au XVIIe siècle qui considérait que l'animal était une machine. C'est-à-dire l'animal a... donc c'est tout le débat très ancien sur est-ce que les animaux ont une sensibilité, est-ce que les animaux sont des êtres vivants, sensibles, dotés d'intelligence, ou est-ce que les animaux sont juste des êtres d'instinct qui fonctionnent comme un mécanisme dont le corps serait une sorte d'engrenage mécanique dont on pourrait optimiser la production comme on optimise le rendement d'un moteur. Cette idée, elle s'installe dès le XVIIe siècle. Elle n'était pas du tout présente dans les sociétés plus anciennes, marquées par d'autres visions de l'animal comme un être vivant. Hein, au Moyen-Âge, dans les sociétés marquées par le christianisme, l'animal n'avait pas du tout ce statut d'être machine. Ça apparaît vraiment au XVIIe, ça se développe au XVIIIe siècle, ça triomphe au XIXe siècle avec l'invention de ce qu'on appelle la zootechnie. Par exemple, c'est la science du moteur animal. Et la science de l'optimisation du moteur animal qui apparaît dans les années 1840, qui va s'institutionnaliser avec des revues, des professionnels, un enseignement de zootechnie qui se développe à Alfort dans les écoles d'agronomie. Et là, vraiment, il y a une science du moteur animal, mais de même qu'il y a une science du moteur humain qui apparaît à la même époque et qui considère le corps de l'être vivant comme un moteur qui doit être optimisé. Donc il faut mesurer l'apport énergétique pour optimiser le fonctionnement, optimiser aussi la durée de vie au maximum parce que l'animal est un investissement. Donc il faut le traiter de la façon la plus efficace pour que son travail soit le plus efficace aussi. Donc évidemment, ce modèle de l'animal-machine triomphe hein, à l'époque industrielle au 19e siècle. Et en même temps, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que ça, c'est un modèle savant. C'est un modèle scientifique qui n'a jamais été dominant. Chez les anthropologues, on parle du modèle naturaliste, c'est-à-dire d'une sorte de mise à distance du monde vivant et du monde naturel, du monde vivant, du monde humain. Mais en fait, ce modèle naturaliste qu'on trouve dans les discours scientifiques, chez les experts, chez les agronomes, chez les zootechniciens, il n'a jamais été dominant. Au 19e siècle, je ne pense pas que les petits artisans, les paysans considéraient leur animal comme une machine. Ils savaient très bien que c'était un être sensible, un être intelligent, un être vivant avec lequel il fallait négocier et coopérer. Et ils considéraient, je pense, pas du tout, mais le problème, c'est qu'après, ça pose une question de source. Comment savoir ce qu'un paysan pensait de son animal mis au manège pour battre les récoltes ou pomper l'eau ou broyer telle ou telle matière. Non, on peut difficilement accéder à ça. Il y a très peu de témoignages de paysans au 19e. Et ces témoignages de paysans sont souvent les témoignages des plus gros paysans, ceux qui eux-mêmes ont adopté la rhétorique des zootechniciens et de la science agronomique. Mais ce qui est sûr, c'est que la grande majorité de la population n'était pas dans un monde naturaliste. Il ne séparait pas de façon étanche le monde des humains du monde des autres êtres vivants. Il ne faut pas oublier aussi que dans le monde paysan, hein, les lieux de vie étaient communs. Jusque très tard, les paysans vivent avec leurs bêtes, ce qui est un moyen de chauffage thermique. Donc il n'y a pas de bâtiment d'élevage complètement séparé. Et donc moi je ne pense pas que le travail avec les animaux soit nécessairement une forme d'exploitation, repose nécessairement sur une ontologie considérant l'animal comme une simple machine productive. Je pense que c'était beaucoup plus subtil que ça et que les types de relations entre les humains et les animaux étaient infiniment plus diversifiés selon les groupes, selon les régions, mais aussi selon les types d'animaux. Et c'est pas pareil, évidemment, un bœuf, un chien, un cheval, d'autant que le statut de ces différentes espèces se transforme au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est à la fois le moment où on tue plein de chiens parce qu'on considère qu'ils sont trop nombreux, mais c'est aussi le moment où le chien devient le meilleur ami de l'homme et fait l'objet d'un investissement affectif tout à fait inédit et nouveau. C'est d'ailleurs pour ça aussi que le travail des chiens va être l'un des premiers à être poussé comme scandaleux, parce que l'animal est doté de caractéristique particulière qui fait que le chien ce qu'il faut voir, c'est que le travail va évoluer. C'est-à-dire que le chien de travail pour tirer, pour écraser, va être délégitimé, mais le travail des chiens comme surveillant, gardien, protecteur, lui, va se développer. Donc on a plutôt, plus qu'une disparition du travail, on a aussi une réinvention incessante de ce travail des animaux. Parce que les chiens, ils sont là justement, ces chiens, on les imagine transporter des petites carrioles, c'est ça? Vous nous avez expliqué, François Jarige, que l'entreprise Peugeot, mais alors artisanale, crée ces petites carrioles pour chiens. Mais là, on est sur quoi? Sur l'exploitation d'une force à petite échelle? C'est de l'atelier jusqu'à la cour, transporter des petites charges? Les marchandises sont transportées à l'échelle nationale ou européenne via le chemin de fer, mais une fois que vous avez transporté les marchandises vers les villes, la diffusion dans les campagnes se fait via toute une série de moyens, hein, des carrioles à bœufs, mais aussi des transports avec des chiens. Donc ça, par exemple, pour tous les transports internes aux villes, c'est assez fréquent. Les laitières, les boulangers font des livraisons à domicile avec des carrioles à chiens. On met même au point des races adaptées à la traction animale, hein, en Belgique, c'est assez important, c'est une pratique qui est très répandue en Belgique. À Bruxelles, vous avez des coopératives de boulangerie dans les années 1870 qui font la livraison du pain à domicile via des carrioles à chiens. Mais ça va perdurer assez longtemps. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez le retour de la livraison via du transport canin qui se fait dans un contexte de pénurie. Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de charbon, et donc les voitures sont à l'arrêt et on relance le transport à domicile, notamment le transport du lait, hein, qui se faisait dans des carrioles. Donc ça, c'était une pratique aussi qu'on trouvait dans les campagnes. Les colporteurs ruraux, par exemple, il y avait des colporteurs qui sillonnaient les campagnes, pas dans toutes les régions, notamment dans les régions plutôt plates, dans le Loiret. J'ai trouvé pas mal de cas dans le Loiret où c'était une pratique assez répandue également, où vous aviez des colporteurs ruraux, pour les petits transports, c'était une pratique assez répandue. Est-ce que les sources évoquent l'utilisation de chiens pour leur force dans le cadre d'un manège, faire tourner quelque chose pour faire fonctionner une machine? Oui, alors ça c'est un autre aspect qui va être poussé assez fortement au 19e siècle, c'est ce qu'on appelait parfois les roues à chiens, le système des roues à écureuil. Vous avez ça. C'est un système assez ancien. On a des cas du Moyen-Âge, notamment sur les grands chantiers de construction où vous aviez des roues qui étaient actionnées par des humains souvent, mais dans lesquelles on pouvait aussi mettre des animaux qui permettaient de lever des charges. Hein. Donc on marche dans la roue et en marchant, on fait tourner la roue et ça actionne, ça fait fonctionner toute une série de systèmes mécaniques. Alors en fait, ces roues à chiens, alors là c'est intéressant aussi parce qu'il y a... les ingénieurs parlent des moteurs animés au 19e siècle. Et les moteurs animés, pour les opposer aux moteurs inanimés. Les moteurs inanimés, c'est notamment les nouvelles pompes à feu et les machines à vapeur. Les moteurs animés, c'est ceux dont le principe de fonctionnement repose sur un être animé, donc un être vivant. Et dans les moteurs animés, on met à la fois les humains et les animaux. C'est-à-dire que la frontière entre humains-animaux est pas claire. puisque dans les deux cas, il s'agit de moteurs vivants qui permettent de produire de la force mécanique et qu'on peut optimiser. Et à cet égard, c'est pour ça que la séparation entre humains et animaux, je crois qu'elle n'existe pas complètement au 19e. Et bien alors, c'est pour ça que, donc il y a des roues à chiens. Par exemple, il y a des roues à chiens dans certains ateliers ruraux. Les plus connus, c'était les roues des cloutiers, les forges des cloutiers. Donc les animaux, en fait, faisaient fonctionner des soufflets qui actionnaient le feu des forges. Donc vous avez les roues des cloutiers, les roues des couteliers qui faisaient fonctionner toute une série de machines, notamment pour aiguiser les couteaux, pour préparer les couteaux. Vous aviez aussi, à la fin du 19e, les chiens qui sont mis au travail dans les fermes, par exemple pour actionner les barattes des laiteries rurales, pour actionner toute une série de petits appareils comme ça dans les cidreries aussi. Vous aviez parfois des petits moulins à chiens pour broyer les pommes. Donc c'est des mises au travail en fait. Et les chiens là remplacent les enfants et remplace les domestiques qui travaillent dans les fermes dans un contexte d'exode rural, de problèmes récurrents de main-d'œuvre. Il ne faut jamais oublier qu'au 19e siècle, il y a un problème de main-d'œuvre dans les campagnes. Hein, avec l'exode rural, avec l'accroissement du travail industriel, on a un manque de bras, hein, et notamment de bras pour certaines opérations difficiles. Hein, arroser, battre les récoltes, écraser, tout ça c'était réalisé par des domestiques ou par les enfants dans le cadre de la cellule familiale, avec évidemment la mise à distance du travail des enfants. Beaucoup de ces tâches vont être réalisées par des animaux. Et quand on a besoin d'une force réduite et limitée, le chien apparaît comme un bon élément. Dernièrement, je lisais un Jean-Pierre Azéma, grand spécialiste des moulins, m'a envoyé la référence à un ouvrage fascinant publié dans les années 50, où c'est un auteur dans le Rouergue, dans le sud de la France, qui raconte ses souvenirs d'enfance avant 1914. Donc 1950. 1950. Et il raconte ses souvenirs d'enfance avant 1914 à Rodez, hein, dans le sud de la France. Et il raconte comment son père, qui était ébéniste, avait fabriqué lui-même une grosse roue à chien qui était le moteur de tous ses ateliers. Ça permettait de faire fonctionner à la fois la scierie, les machines pour tourner et sculpter le bois. Et c'était un artisan qui fabriquait des meubles de très bonne qualité. Et le moteur, c'était un chien. Et il raconte même que le jeudi, quand il n'y avait pas école, c'était lui qui tournait dans la roue avec ses frères en remplacement du chien. Et ça, on est en 1900. On n'est pas au Moyen-Âge. Et ça, c'est assez typique de ces petits ateliers artisanaux où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de machine à vapeur, évidemment, et on a besoin de force dans un contexte où le travail des enfants et le travail des domestiques ou des salariés est difficile à trouver. Et donc, on met au travail les animaux. Il y a des mécanismes assez simples qui peuvent être bricolés sur place. Le charron, le maréchal ferrant, fabrique ces machines. Peut fabriquer ces machines à bas coût. Hein. Alors que si vous achetez une machine à vapeur, il faut faire appel à un fabricant lointain. Il y a des normes techniques extrêmement strictes de construction pour éviter que ça explose. Alors que la roue à chien ou le manège de cheval est infiniment plus simple, peut être bricolé, réparé. On est aussi donc dans des cultures artisanales, dans des cultures de l'autoconstruction et d'autofabrication de sociétés qui essayent d'intensifier la production en utilisant les ressources qui sont disponibles sur place, en fait. Et bien insister sur cette variété du monde de l'industrialisation, entre le petit atelier jusqu'aux grandes entreprises, jusqu'à la mine également, où, là encore, on retrouve cette proximité entre l'homme et l'animal. Le souvenir du cheval, c'est un cheval qui t'a vraiment marqué. Alors que si c'était Broya, Pitule. Ouais, des chevaux qui t'ont vraiment marqué. Les chevaux qui avaient une certaine valeur et même plus humaine que certains humains. Et puis, très courageux, très courageux, tu sais. Moi, je les ai vus tirer à l'ardière, là, tu sais, c'était des chevaux. Hein. C'est trop dur de tirer à l'ardière. Ouais. C'est pour ça que ça, tu es impressionné par ce chevaux. Circonstance, la cage est au niveau supérieur du mur. Giovanni Enzo, machiniste, verrouille la porte nord et laisse la porte sud ouverte. Richard Alfred, conducteur du cheval, engage le cheval tête en avant par la porte sud et sonne U. Tout de suite au démarrage, Giovanni pressent une secousse. Il immobilise immédiatement la cage et prévient Richard. Le cheval recule, s'agite et tombe au fond du mur. Dans le bassin minier du Pas-de-Calais, l'évocation du cheval dans les mines. François Jarige, on a ces évocations-là dans la littérature, évidemment, Germinal arrive tout de suite en tête d'Émile Zola. Dans cette utilisation du cheval, il y a la proximité du mineur à cet animal. Là, on est sur une réelle proximité. Il le conduit dans une vision beaucoup plus vaste. Comment est perçu le cheval dans les mines? Alors, Ça, c'est une question fondamentale. Sans doute, le secteur où le travail des animaux a été un peu étudié et a fasciné depuis longtemps, c'est bien les mines. Mais là, j'ai envie de... Avant de commencer, enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur les mines et dans leur rapport aux animaux, mais je dirais d'abord deux choses. C'est que, évidemment, l'imaginaire du cheval de mine, il est très important parce qu'il a été fixé dans la littérature minière de la fin du 19e siècle. Chez Zola, c'est un des acteurs du récit. Et on sait que les chevaux de mine sont restés longtemps dans les mines. Hein. Les derniers ne remonte que peu de temps avant la désindustrialisation, dans les années 1950-1960. En Belgique, dans le Nord-Pas-de-Calais, comme en Angleterre, il y a des mines qui utilisent encore des chevaux et des animaux en pleine période d'industrialisation et de mécanisation du travail souterrain. Donc il y a deux choses que je... Donc les animaux et la mise au travail des animaux a été un élément fondamental de l'essor du système extractiviste. Mais les animaux, leur travail a évolué. C'est-à-dire que jusqu'en 1830, les chevaux sont à la surface. C'est-à-dire que les chevaux sont à la surface, ils sont mis au travail dans les mines à l'époque moderne, au XVIIe, XVIIIe siècle, au fur et à mesure de l'intensification de l'extraction du charbon, et notamment pour l'extraction minière, pour les mines métalliques. C'est dans les mines de charbon que la vapeur va être introduite en premier. Ce qui est logique, c'est qu'il y a plein de charbon bon marché, facilement accessible. Mais même là, les vapeurs va d'abord être utilisée en fait pour l'exor, pour enlever l'eau qui empêche de creuser trop profondément au-delà de quelques dizaines de mètres. Les chevaux, en revanche, c'est eux qui font fonctionner les machines d'extraction. On appelait ça les barytels, les vargues. Chaque bassin minier avait un nom différent pour désigner ces machines à force animale. Donc dans le bassin de Saint-Étienne, par exemple, dans la Loire, vous aviez, au début du 19e siècle, tout au-dessus des puits, vous aviez systématiquement des chevaux qui tournaient autour du puits pour remonter le charbon à la surface. Et ça va se développer au 19e. Dans certaines régions, dans les colonies, par exemple, à la fin du 19e siècle, c'est encore des chevaux qui font fonctionner les mines d'argent, les mines métalliques en Australie, par exemple, dans plein de contextes. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de 1830-1840, les chevaux qui étaient à la surface pour le transport des marchandises et pour monter, lever les matières extraites, vont descendre dans les galeries. C'est-à-dire que jusque dans les années 1830-40, dans les galeries sont étroites, petites, c'est essentiellement des humains et des enfants qui tirent les charges, qui tirent les wagons, etc. À partir de 1830-40, on va commencer à les descendre. Au moment où ils ne sont plus nécessaires à la surface, ils vont descendre dans les galeries. Et c'est d'abord dans les mines de la Loire, et puis dans l'ensemble des bassins miniers. Donc on va se mettre à utiliser des animaux. Alors il y aura plein de débats pour savoir, en fonction de la taille des galeries, on utilisera des chiens, on va tester les différentes espèces pour savoir lesquelles sont les plus adaptées. Et après 1850-60, c'est devenu une pratique fréquente, et les animaux sont descendus. Et notamment quand Zola décrit ça en 84, et là l'extrait que vous avez, c'est les mines du Nord, hein, qui sont des mines qui se développent surtout au milieu du 19e siècle, parce que c'était des mines très profondes et on n'avait pas les capacités d'extraction. Et il y avait des mines à Anzin, par exemple, où il fallait plusieurs dizaines de chevaux, hein, qui se relayaient toutes les 2-3 heures pour remonter les matériaux. Donc les chevaux descendent dans les galeries, et à partir de ce moment-là, c'est là que l'imaginaire du cheval de mine va s'installer. Hein. Éric Baratet, qui est le grand spécialiste de l'histoire des animaux, du point de vue animal, qui a fait des articles passionnants sur les chevaux de mine, en montrant notamment comment se mettait en place une collaboration entre les humains et les animaux. Et il y a beaucoup de témoignages de mineurs qui racontent, donc là justement, ils ne considéraient pas du tout le cheval comme une machine extérieure, ils considéraient comme un compagnon de travail avec ses compétences, ses difficultés. Hein, on sait que le cheval, par exemple, a des capacités de vision, a des capacités de sentir, qui en font un outil. Il y a des exemples de chevaux qui ont sauvé des mineurs, qui ont permis de guider des mineurs dans le noir pour retrouver la sortie. Et tout ça va être mis en scène, évidemment. Hein, il y a beaucoup de cartes postales aussi à la fin du 19e siècle qui montrent des chevaux. Alors, la condition des chevaux de mine est assez dramatique. On est assez loin, là, de ces chevaux artisanaux, polyvalents, qu'on trouvait dans les campagnes et qui allaient au pré une partie du temps. Là, les chevaux de mine sont des chevaux professionnalisés. Hein, à la fin du 19e siècle, les grandes compagnies minières vont essayer d'industrialiser, sélectionner les races les plus productives. C'est des chevaux qui étaient achetés, qui souvent ne revoyaient pas le jour une fois qu'ils étaient descendus. Il y avait même des écuries souterraines. Hein. Et il faut bien voir aussi que l'emploi de ces chevaux impliquait toute une main-d'œuvre. Il fallait prendre soin des chevaux, s'occuper des bêtes. D'ailleurs, avant la descente des chevaux dans les galeries souterraines, on sait que les chevaux, c'était souvent des enfants qui accompagnaient la marche des chevaux. On les appelait les toucheurs dans les bassins miniers. Et c'était en fait, travailler avec les chevaux, ça participait du processus d'apprentissage du travail de mineur. Souvent, c'était les enfants des mineurs qui commençaient leur carrière de mineur en travaillant avec les chevaux, en les guidant. Parce que le problème avec les chevaux, c'est qu'ils peuvent être irréguliers dans leur travail. Et donc, il y a besoin d'un humain pour s'assurer que le cheval, notamment, marche de façon régulière. Sinon, il y a des à-coups, ça peut être dangereux pour les techniques de remonte. Et donc, le toucheur, c'était un jeune enfant, souvent le fils des mineurs qui descendaient, qui était utilisé pour accompagner la marche du cheval, pour les ramener à l'écurie, pour changer les chevaux toutes les deux heures, parce qu'il y avait aussi des calculs très précis qui étaient réalisés sur combien de temps doit travailler un cheval. Parce que le but, c'est pas de l'épuiser. Hein. Surtout que dans les mines, c'était un capital productif. Le cheval était acheté, et d'ailleurs, il y a tout un débat, parce que contrairement aux humains qui étaient des salariés, une fois qu'ils pouvaient plus travailler, on les excluait, le cheval, une fois qu'il pouvait plus travailler, c'était une perte sèche. Il fallait en acheter d'autres. Donc toute cette question du soin des animaux se pose et est évidemment une question assez complexe aussi. Oui, le soin porté aux animaux, ça c'est ce qui est passionnant dans cette histoire qui relie l'humain à l'animal dans le monde du travail. Et puisque nous parlons des chevaux au travail, François Jarry, je vous offre une petite madeleine. Ça va vous faire plaisir. Avec plaisir. Le petit cheval dans le mauvais temps, il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, il n'y avait jamais de beau temps, ni derrière ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière, à travers la pluie noire des champs, tous derrière lui. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière. Il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière ni devant. Ben oui, évidemment, bravo Georges Brassens, Le Petit Cheval en 1952, d'après un poème de Paul Fort, Le Petit Cheval dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon, l'animal comme moteur, l'animal comme machine au temps de l'industrialisation. François Jarige, cet animal machine, cet animal comme moteur a produit énormément de discours. Comment est-il considéré? On sent qu'il se passe quelque chose au premier tiers du 19e siècle, hein, ces années 1830, vous les évoquez. Comment l'animal est considéré dans le discours? Est-ce quelque chose de mis en avant? C'est formidable d'utiliser des animaux? Ou alors, mais non, c'est archaïque et il faut passer à autre chose? Comme toujours en histoire, il y a une pluralité de discours qui s'affrontent selon l'identité et la position des acteurs qui tiennent ces discours. C'est-à-dire que les ingénieurs des mines en 1830, dont toute l'œuvre consiste à installer l'utilisation du charbon et la modernité fossile en Europe, considèrent les animaux comme une trajectoire périmée, archaïque, ancienne, qui symbolise l'archaïsme de l'économie française. À un moment où ils sont fascinés par les Britanniques. Donc voilà, il y a tout un discours de disqualification qui se met en place au cours du 19e siècle qu'on trouvait pas au 18e. C'est-à-dire qu'au 18e, l'utilisation des animaux est un progrès et il doit être poussé au maximum. Et au 19e siècle, ça devient un archaïsme, quelque chose de condamnable. Mais en même temps, voilà, ça dépend. Même chez les ingénieurs, hein, il y a des agronomes qui disent pas du tout la même chose. À la fin du 19e siècle, Québec, vous avez encore des ingénieurs agronomes, des zootechniciens comme André Sanson, qui est un célèbre vétérinaire, qui a écrit un grand traité de zootechnie, ou Ringelmann, qui est un des grands spécialistes des machines agricoles. Ils disent tous, autour de 1900, ils disent que le moteur animal est avantageux, est rentable et utile dans toute une série de secteurs d'activité. Par exemple, il y a un grand débat en agriculture. Les ingénieurs veulent installer des machines à vapeur dans les campagnes, installer des machines à vapeur dans les fermes. Sauf que ça ne marche pas. Parce que, évidemment, la nature du travail et les sources d'énergie, ça se prête pas à ça. Et donc, en fait, il y a les différentes trajectoires qui sont en parallèle chez les ingénieurs. Après, si on s'intéresse aux praticiens, ou s'intéresse à d'autres acteurs comme les vétérinaires, ou surtout les protecteurs des animaux, parce qu'il faut peut-être en dire un mot, évidemment, ce travail des animaux devient peu à peu un scandale au XIXe siècle. Notamment le travail des chiens, comme je le disais. Et la SPA est créée en 1845, après des associations équivalentes qui ont vu le jour en Allemagne et en Angleterre, et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la SPA qui va mener plein d'actions pour protéger les animaux. Hein. La SPA naît du scandale provoqué par un médecin qui dénonce la violence faite par les charretiers et les animaux utilisés pour le transport urbain à Paris dans les années 40, au moment où ce transport hippomobile se développe et la violence des cochers, notamment à l'égard de leurs bêtes, suscite une série de scandales, d'où la création de cette association. Et dans la deuxième moitié du 19e siècle, il va y avoir toute une série de campagnes qui vont être lancées pour dénoncer la mise au travail des animaux comme une forme d'exploitation. Et il va y avoir des querelles et des polémiques. Est-ce que le travail des animaux est forcément une exploitation? Et la question se pose. Et alors donc, par exemple, le chien du cloutier que j'évoquais tout à l'heure, dans les années 70, vous avez une campagne menée par la SPA pour faire disparaître ces roues à chiens considérées comme un travail qui correspond pas à la nature des animaux, qui a une violence scandaleuse. Et en même temps, vous avez des vétérinaires qui expliquent que, ben non, en fait, le travail, s'il est modéré, s'il dure que quelques heures, il peut correspondre à la nature de l'animal. Et il y a même un vétérinaire qui m'amuse dans les années 70, qui raconte que, à son avis, le chien est dans une meilleure condition s'il travaille que certains animaux domestiques de l'aristocratie anglaise qui passent leur temps à se prélasser sur un coussin. Obèses. Qui deviennent obèses, qui deviennent malheureux. Et si l'animal est bien traité, le mettre au travail pour produire de la force dans un atelier quelques heures par jour ou dans une ferme n'est pas nécessairement une forme d'exploitation. Donc évidemment, ces débats résonnent très fortement avec le présent. Et ils sont déjà présents au cours du 19e siècle. Et ils accompagnent une grande incertitude sur les meilleures sources d'énergie pour accompagner la croissance démographique et l'essor d'une société de consommation. Et aussi sur les débats sur ces êtres sensibles. La question, par exemple, d'accorder des droits aux travailleurs animaux, on la trouve aussi dans le mouvement ouvrier et socialiste. Charles Gide écrit un texte dans la revue socialiste de Benoît Malon en 1888, quelques années après la légalisation des syndicats, demandant à ce qu'on accorde des droits aux travailleurs animaux. Et alors, en disant, ce sont nos frères, et il appelle le mouvement syndical à considérer les animaux comme des êtres vivants, sensibles, des compagnons de travail. Alors, ça va pas aller très loin dans le mouvement ouvrier, parce que le mouvement ouvrier est lui-même en train d'essayer de conquérir des lois sociales pour les humains, et donc obtenir des lois sociales pour les animaux, et repousser évidemment à bien plus tard. Mais parce que le travail des animaux n'est pas encadré par une législation sur le travail, puisque c'est des biens meubles qui sont considérés comme la propriété privée de ceux qui les utilisent. Avec une pluralité d'animaux utilisés. Ah mais parce qu'il nous fallait bien quelques ânes aussi hein, pour ces animaux. François Jarige, on sent bien qu'il y a cette construction liée autour de l'animal, une construction du discours. Vous avez évoqué cette école d'Alfort, Alfortville, c'est l'école vétérinaire. Y a-t-il tout un discours de choix d'animaux selon les tâches qu'il faut effectuer? Alors, il y a les chiens, très bien, on le voit, mais alors avec les chiens, c'est particulier. Mais dès qu'il est question de bovins, de cheval, là, on a un âne. Il y a tout ce discours de dire, ah ben voilà, faut utiliser l'âne pour ça. Oui, c'est fondamental parce qu'il y a aussi une dimension géographique assez forte. Hein. Il y a les régions du cheval, il y a les régions des mulets et des ânes. On sait que, par exemple, en Espagne, il y a une forte croissance du nombre de mulets qui sont bien plus nombreux que les chevaux. Pareil, dans le midi de la France, on utilise plus fréquemment les mulets et les ânes. Le cheval, c'est plutôt un animal du nord de la France. Le nombre de chevaux, globalement, augmente hein, au 19e. À la veille de 14, il y a 3,5 millions de chevaux. chevaux à peu près. On y en avait 2 millions, 2,5 millions. Alors ça fluctue aussi. Et puis il y a des périodes de crise, évidemment. Les guerres napoléoniennes, par exemple, vont absorber beaucoup de chevaux. Comme la Première Guerre mondiale va éliminer près d'un tiers du cheptel équin européen, ce qui est considérable. Et d'ailleurs, le remplacement des animaux de travail est aussi lié à la guerre, hein, parce que les animaux vont être mobilisés pour l'intendance, pour le transport des marchandises, des armes sur le front, et ça, donc il va falloir les remplacer par des machines. Donc ça, il y a toute cette dialectique. Donc, mais évidemment, hein, les types d'animaux, le débat sur quels sont les animaux les plus adaptés à différentes tâches se pose assez fortement. Et il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Le coût d'achat, le coût d'entretien, le coût de l'alimentation, la force disponible. Les chevaux coûtent plus cher, sont des animaux plus puissants, mais ils sont plus compliqués à nourrir aussi. Alors que les bœufs, les mulets sont bien plus économes et bien meilleur marché. Mais il y aurait des travaux très intéressants à mener sur les ânes, les mulets, qui sont les parents pauvres, sur lesquels on connaît très peu de choses, qui ont beaucoup moins intéressé, parce que le cheval était un animal noble, qui a suscité l'intérêt et l'investigation des agronomes et des vétérinaires, bien plus que le mulet. Mais le mulet, et c'est très variable selon les territoires. Aux États-Unis, par exemple, il y avait plein de bouquins qui ont été écrits sur le mulet aux États-Unis. C'est fondamental. C'est-à-dire que l'explosion du mulet accompagne l'industrialisation de l'Amérique du Nord, notamment dans tous les États du Sud cotonnier. Les mulets étaient partout pour le transport des marchandises, pour fabriquer le coton. C'est-à-dire pour emballer le coton, au 19e, on va mettre en place des espèces de grandes presses à balles de coton afin d'exporter le coton en Europe. Et ces grosses machines qui permettaient de presser le coton pour les emballer, ensuite pour les exporter via le transport maritime, c'était des mulets qui tournaient autour de la machine, qui étaient des espèces de vis sans fin qui pressaient les balles de coton. Donc les animaux sont partout, et le nombre de chevaux, il y a eu des travaux aux États-Unis qui ont montré que l'industrialisation des États-Unis, avant les années 1880 en gros, se fait largement par la mobilisation des animaux. Et il y avait même des manèges sur des bateaux pour faire fonctionner des roues à aube qui étaient actionnées non pas par des machines à vapeur mais par des manèges. Donc il faut imaginer que sur le bateau vous aviez un animal qui tournait en rond et en tournant en rond il faisait avancer le bateau et il faisait fonctionner la roue. Ça, sur le Mississippi, on trouve ça jusque dans les années 80-90 par exemple. Donc il y avait vraiment une pluralité de tâches possibles pour ces animaux. Avec des manèges, et vous nous l'avez bien dit, qui deviennent des manèges ludiques, mais les contemporains de ces manèges-là savaient différencier le vrai cheval qui faisait tourner le manège et les chevaux de bois. Rien de plus fascinant pour les enfants que les manèges. Les chevaux de bois ne sont-ils pas les seules montures qu'ils puissent chevaucher, les seules qui les ramènent immanquablement à leur point de départ? Merveilleux et inoffensif satellite des rêves enfantins, les chevaux de bois, depuis des siècles, transforment les places de village en Cap Canaveral de la joie. Cap Canaveral de la joie, rien que ça. François Jarige, dans cette longue histoire de l'étude des animaux et la relation avec les hommes, Daniel Roche évoquait une société équestre pour le 19e siècle. Peut-on dire que, malgré tout, longtemps, ces animaux dans le monde de l'industrie ont été invisibilisés? Oui. C'est tout un aspect de mon travail que j'essaye de montrer, c'est cette logique d'invisibilisation. Vous avez raison de citer Daniel Roche, hein, qui est disparu récemment et qui a été l'un des grands redécouvreurs, réinventeurs de l'importance du cheval dans la modernité européenne, hein, avec sa trilogie sur la civilisation équestre, qui a remis en fait l'animal au centre du fonctionnement des sociétés. Et donc ça, c'est très important. Alors moi, ce qui m'intéresse, et d'ailleurs c'est assez peu présent, hein, ces animaux tournant en rond pour produire de la force motrice, c'est assez peu présent, y compris dans le travail de Daniel Roche. D'une certaine manière, mon travail s'inscrivait dans la continuité de celui de Daniel Roche, en essayant de boucher quelques-uns des blancs de son propre récit. Et en fait, ça a été invisibilisé parce que, comme je l'ai dit, le 19e siècle, c'est le siècle du progrès qui va être associé à la puissance productive et à l'innovation technique. Et donc, en faisant l'histoire de ces animaux de travail, j'essaye aussi de faire l'histoire, non pas l'histoire d'une innovation, mais l'histoire d'une obsolescence technique. Une lignée technique et un ensemble de pratiques extrêmement anciennes, extrêmement répandues, qui ne disparaît pas subitement, mais qui s'intensifie au 19e siècle, mais qui est devenue peu à peu ordinaire, quotidienne, et tellement quotidienne qu'elle en devient invisible pour ceux qui disent le sens de l'histoire. C'est essentiel essentiellement les élites, essentiellement les savants, les experts. Et donc ça va devenir une pratique populaire, puis une pratique rurale, puis une pratique coloniale. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un déplacement de cette pratique des espaces centraux du capitalisme industriel au début du 19e vers les périphéries et les zones considérées comme retardataires. Et juste un exemple là-dessus, c'est par exemple lors de l'enquête agricole de 1929. Les manèges n'ont pas du tout disparu dans les fermes. L'enquête recense 80 000 manèges de chevaux utilisés dans les fermes et dans les campagnes. Sauf que désormais, ils sont pour l'essentiel dans l'Ouest et en Bretagne. En Bretagne, vous avez dans le Morbihan 10 000 manèges de chevaux pour battre les céréales, par exemple, dans ce seul département, alors que ça n'existait pas au 19e. Au 19e, l'essentiel du travail était manuel et le battage se faisait au fléau. Et en fait, la mécanisation du travail se fait en Bretagne avec la mise au travail des chevaux qui se fait en fait au début du XXe siècle. C'est-à-dire au moment où dans les grandes campagnes, dans les grandes régions agricoles productivistes du bassin parisien, on se met à adopter des locomobiles à vapeur, en Bretagne, qui est des régions pauvres, avec peu de capitaux, des petites fermes dispersées, etc., en fait, on va utiliser les manèges. Et d'ailleurs, à l'époque, on continue de perfectionner les manèges. On met au point des manèges à terre, parce qu'il faut bien voir aussi qu'au XVIIIe, les manèges étaient en bois, assez simples. Au XIXe siècle, ils vont être de plus en plus avec de la fonte, avec des systèmes d'engrenage. C'est-à-dire que leur rendement s'améliore considérablement. Donc voilà, ça se déplace en fait des espaces centraux aux espaces périphériques. Et après 45, lorsque les chevaux vont peu à peu disparaître, en 1945, vous avez encore énormément de chevaux de travail dans les campagnes. Ça va s'opérer, mais la rupture va être quand même très rapide. Entre 1950 et 1970, les chevaux de travail vont disparaître. On va passer de plusieurs millions encore de chevaux de travail à quelques centaines de milliers. Mais à ce moment-là, ils disparaissent d'Europe, mais ils se multiplient dans les colonies et notamment dans les pays africains où la traction animale se développe. Elle n'existait pas au 19e siècle. L'essentiel du travail, le portage, se faisait par les humains. Et les politiques de développement vont essayer, par exemple, de développer des pompes à manège dans les sociétés tropicales, dans les pays africains. Et même, ça, on trouve ça encore à la fin du 20e siècle. En Inde, par exemple, vous avez des ingénieurs qui vont expérimenter la mise au travail des vaches pour faire fonctionner des générateurs électriques pour permettre d'électrifier ou d'avoir une petite source d'approvisionnement électrique pour des villages isolés qui ne sont pas reliés au réseau et qui n'ont pas de roues ou de ressources hydrauliques pour produire de l'électricité. Donc en fait, c'est l'histoire d'une disparition, d'une invisibilisation et en même temps d'une réinvention continuelle dans différents espaces, dans différentes sociétés. Merci beaucoup François Jarry, c'est passionnant. On attend beaucoup cette étude sur la présence animale dans le monde du travail au 19e siècle jusqu'à aujourd'hui avec cette réflexion authentiquement mondiale. Et puis, je rappelle, vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne et l'auteur de On arrête parfois entre parenthèses, Le progrès, histoire et décroissance, publié à l'échappée ou encore Face à la puissance, une histoire des énergies alternatives à l'âge industriel. Merci vivement à vous. Merci pour beaucoup. Toutes ces histoires d'animaux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Comment les Grecs sentaient les odeurs du divin ? Depuis quelques années, les historiens de l'Antiquité ont commencé à s'intéresser aux odeurs. Pour mieux comprendre le rôle qu'elles ont pu jouer dans les sociétés de la Grèce ancienne, ils ont concentré leur attention sur les cérémonies qui se déroulaient dans les sanctuaires. Cet espace consacré aux divinités a fonctionné tout au long de l'Antiquité comme l'un des mondes sensoriels conçus par l'homme pour exprimer sa compréhension du cosmos. L'odeur, avec la luminosité ou le bruit, concourait fortement à transmettre aux fidèles la sensation du divin. Les rituels utilisaient ces éléments pour produire une atmosphère qui suggérait et appelait la présence des dieux. Ces rituels ont pris des formes très variables selon le dieu, l'occasion, les fidèles, mais aussi selon les cités ou les époques. Néanmoins, on peut retenir quelques grands points communs que l'on retrouve notamment dans les cérémonies centrées sur le sacrifice d'animaux. Les fidèles étaient alors plongés dans un environnement sonore, visuel, tactile, gustatif ou olfactif, grâce auquel ils entraient en communion avec les dieux. Les odeurs contribuaient de façon décisive à appeler ou rappeler leur présence. Elles rendaient ainsi perceptible l'existence de ces divinités qui ne pouvaient et ne devaient pas être vues. Lorsqu'ils se rassemblaient dans le sanctuaire, les fidèles étaient immergés dans une profusion de senteurs qu'ils ressentaient dans leur corps et qui généraient des émotions inscrites durablement dans leur mémoire. Étant donné que ces rituels étaient conçus comme un moment partagé avec les dieux, la fonction des odeurs était aussi de rappeler le caractère temporaire éphémère de cette commensalité. Pendant les cérémonies qui accompagnaient le sacrifice d'un ou de plusieurs animaux, les odeurs d'encens, de fleurs ou d'arbres se mêlaient aux odeurs de fumée qui signalaient le début de la cuisson des viandes. La fumée était un élément marquant du sacrifice car les odeurs de viande grillée étaient régulièrement associées aux purifications. Elles annonçaient la communication avec les divinités et préfiguraient le banquet. Le rôle des fumées était d'autant plus grand que non seulement les fidèles les sentaient, mais qu'ils pouvaient également les voir. Les mises en scène rituelles utilisaient ainsi la stimulation des sens pour construire un temps et un espace à part, propre au monde divin, et qui était reconnaissable immédiatement par tous. C'est ce qui explique l'importance que les Grecs accordaient à la bonne odeur, partie intégrante de la définition de la beauté, que ce soit celle de la divinité, du sanctuaire ou de la fête. Afin de construire une atmosphère sensible, belle à voir et à sentir, les desservants du culte et les fidèles multipliaient les recettes visant à produire de la bonne odeur. Ces recherches montrent que pour comprendre comment les Grecs s'y prenaient pour cimenter leur vie collective et leur système de croyance, il ne suffit pas d'invoquer le rôle des écrits et de la raison. Les sens et les émotions étaient eux aussi mobilisés pour ancrer dans l'esprit de tous un système de valeurs qui rendait perceptible le monde invisible des divinités. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par une équipe industrieuse, Jeanne Delecroix, Toscane Vieux, Jeanne Copé, Gillian Tilly, Maïwen Guizou et Violette Ruiz. Émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.